Cette première édition de réanimation du mois d'avril se divisera en deux sections. La première comportera une programmation dite régulière, soit comportant les segments habituels qui sont la présentation de groupes métal dont nous retenons les services régulièrement. Et évidemment, la présentation de nouveaux albums et aux groupes qui nous ont captivés et qui ont captivé surtout notre intérêt. Dans le cas de Sinistros, même une mouche le captive. Donc on doit s'attendre à tout sauf quelque chose de bon. Tant qu'à la deuxième partie, elle notera le passage de mon ancien assistant, le singulier et inimitable Jeff Hull, qui sera présent afin de faire la promotion du Trois-Rivières Metal Fest qui se tiendra ce week-end, et aussi de nous dresser un historique de l'événement. Et je suis persuadé que la présence simultanée de deux assistants devrait se traduire par une certaine forme de chaos. Chaos qui, tel un feu, sera alimenté par l'huile que j'y jetterai. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et ses assistants, parce qu'ils sont plutôt du type insistant qu'assistant. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is my fucking business. La tienne aussi. We are Undead Incorporated, 'cause we said so. Egyptian death metal. Let's go. Shasta, Usta, Shista, Tasta, Shasta. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette première édition d'avril, le 3 de l'heure de disgrâce 2018. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement avec mon indissociable comparse souffre-douleur, concierge, peintre, plombier, électricien. En fait, tout ce que je veux pas faire, Sinistros. Ah oui, ça en prend un pour se salir. Et ça en prend un pour le regarder l'autre, se salir. Ça en prend un pour salir les autres aussi. Ouais, j'imagine que si je passe vite, je me fais éclabousser au passage. Ça se fait très bien. Eh bien, comme ouverture de bloc, nous venons d'avoir deux petites formations qui donnent dans l'Egyptian Death Metal. Ils sont peut-être pas si petites que ça. Ben, ils sont pas très grands, d'après ce que je peux voir. En fait, les photos mesurent à peu près 3 pouces. Ah, c'est petit, ça. Formation du Caire d'Égypte, justement, Crescent et la pièce Sons of Montu, qui apparaît sur leur dernière parution, The Order of Amenti, qui est paru en 2018, plus précisément. Je vais vous le dire à l'instant, le 9 février dernier sur Listenable Records. Et il est à noter que à ce jour, cet album de Crescent est toujours mon numéro 1 dans les albums de 2018. Juste avant, nous avions Mahat de Berlin. Ça, c'est en Allemagne, Sinistros. Oui? Oui. Ben maintenant. Maintenant. Oui, c'est vrai, ils l'ont déménagé avant, c'était en Égypte. C'est ça. Et la pièce Preservation of My Immortal, qui est tirée de leur premier album As We Create the Hope From Above, qui est paru en 2014 sur Oral Attack. Deux excellentes formations qui donnent dans un concept égyptien qui, il y a quelques semaines, tu disais que potentiellement ça pouvait être un petit peu usé ou je sais pas quoi. Là. Ben moi, j'ai trouvé qu'avec Crescent, c'est très bon, il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que là, peut-être qu'on a commencé à faire le tour. Là, y a... ben moi, je trouve qu'il y a encore de la place à ça. Tu penses? Oui, parce que je trouve, ben, c'est mon opinion, là. Je trouve moi, ça compte que... pas, ça. Oui, c'est vrai, je vais la dire quand même. Ouais, ça... oubliez qu'il faut que je ferme le micro hein, quand je parle pas. Je trouve que l'aspect, et tu vas peut-être trouver ça bizarre venant de moi, l'aspect, entre guillemets, folklorique de l'histoire. Oui. T'as pas dit ce mot-là. Ouais, ben, y a pas de flûte là-dedans, là. De l'instrumentation un petit peu plus, bon, on s'entend que c'est peut-être pas nécessairement les instruments d'époque, là, mais la sonorité qui vient oui, ramener non, un peu. Je te dis, c'est très, très moi, cool. Moi, j'aime beaucoup ça. Tu sais, c'est très bon. Sauf qu'à un moment donné, ça a été amené par Nile, ça a été amené oui. par, tiens, Haid. Bon, il y a un paquet de bandes qui. Ouais, mais Haid, c'est plus la Rome antique. C'est très romantique, effectivement. Oui, c'est pas vraiment l'Égypte antique, mais plus la non, Rome. Non, effectivement, mais tu sais, c'est. La Rome. Rome, oui. J'avais fait oui, une oui, je n'avais pas compris. Oui, non, j'avais compris. C'est oui. correct. Non, ça, c'est le genre de choses que je comprends comme subtilité. Juste subtilité. Qui sont assez grossières, oui. Très grossières. L'idée de ce type de band, c'est un peu à la... Ben, à la... les affaires avec l'Antiquité, tu vois. Oui, c'est ça. C'est okay. comme, AD ou... Ouais. Et même Septic Flèche à certains endroits. Ouais, mais c'est... Oui, ceux autres, ils touchent un peu à ça. Ils touchent un peu à ça. Fait, oui, c'est très, très bon, mais à un moment donné, c'est que on dirait que c'est devenu comme une mode, là. Ben, y a bien des bands qui décident, ah, ben, c'est un bon filon, on se garoche tout là-dedans, tu sais, c'est à un moment oui, donné. C'est vrai, arrête, c'est vrai, là, Sinistros. C'est... Par contre, t'es obligé d'admettre une chose, c'est que le métal est rendu une forme de mode. Oh, effectivement. Écoute, il n'y a plus grand innovation là-dedans. Ben, pis... difficilement. Puis Brian Slagle l'a dit, honnêtement, je ne signe que des groupes qui ont le potentiel... Qui vont rapporter des sous. Ben, qui ont le potentiel d'être actuel, le trend actuel. Ah non, c'est sûr. Et c'est pour cela qu'on se rend compte aussi que beaucoup de groupes qui sont signés par des étiquettes de disques, les labels, si tu préfères, que ce soit d'importance ou non, une grande majorité vont ne faire que un ou deux albums et c'est terminé, là. Oh, ouais, c'est sûr. Donc, next, la mode est passée. Mais tu sais que nous, on est rendu des vieux chialeux là-dedans. Ouais, mais tu sais qu'il y a beaucoup de chiolage qui n'est pas fait. On doit se faire un devoir de le faire à leur place. T'as très raison. Ben, tout à fait. Ce soir, l'émission, comme je l'ai dit en présentation, est en deux segments. La première heure étant consacrée à nos présentations actuelles, c'est-à-dire les choix extraordinaires que j'ai, les moins les bons, pas mal moins bons. Les moins bons Sinistros, les présentations avec lesquelles je fais beaucoup de discernement et celles de Sinistros qui sont elles, c'est n'importe quoi. Aléatoire complètement. Mais la deuxième partie, soit à partir de 20h, on va la consacrer à notre ami Jeff Hull, un des hauts dignitaires de Trois-Rivières Metal, qui viendra nous entretenir de la 15e édition du Trois-Rivières Metal Fest, ainsi qu'un peu de son historique, parce que on se rappellera qu'il y a quand même 3 ans que le festival a fait un retrait pour... Justement, on va le laisser nous l'expliquer pourquoi. Ben c'est sûr, on fera pas de spéculation. Exactement, tout à fait. Bon, là, ce que je vois venir dans ton premier bloc de la soirée, ça me l'air être de quoi un peu rigolo, là. Oui, c'est très rigolo. C'est un épisode du travail à la chaîne. Ah, ben, est-ce que c'est toi, Maître Jacques? Oui, c'est moi-même, oui. Avec ta grosse moustache. Ben, je suis fort déçu. Oh, c'est plate. Oui. Eh bien, on a 3 groupes. Il y a 2 maillons qui font un genre de tissage entre ces 3 groupes-là. Oh, oui. Ça va être à vous de deviner quels sont ces maillons. Depuis quand tu me vous vois, là? Je te parle pas à toi. Je parle aux téléspectateurs. Aux téléspectateurs, oui. Il y en a beaucoup de ça ici. Oui, 1 ou 2. Des téléspectateurs. Ben, ils sont sur leur Internet maintenant. On voit là la main un petit peu. Là. On se voit les tout petits. C'est pas vrai, ils ne voient pas. Non. Moi, je suis bouge mon écran. Bon, c'est beau. OK, alors oui, un épisode du travail à la chaîne. Alors, faut trouver le maillon entre le premier et le deuxième groupe et le maillon entre le deuxième et le troisième. Ah, c'est compliqué, tes affaires. C'est pas compliqué. Oui, oui. Donc, on va commencer avec la formation Ghost. Ah, mais ça, c'est pas du métal, ça. Je sais que c'est pas du métal. C'est sûr que c'est pas du métal. Fait que ceux qui l'avaient pas compris encore, ben là, tu viens de faire une révélation extrême. Ben, je pense, oui. Ghost qui... Ils sont sur le point de sortir leur 4e album, Papa Emeritus, dans le fond, va sortir ouais, son 4e album. Accompagné de comparses. Pendant la période estivale du temps de la résurrection, Papa Emeritus 0 est apparu sur les interwebs un petit peu avec sa vieillesse pour annoncer la venue d'un nouveau pape. Ah ben, t'es pas sérieux. Fait qu'on va le savoir éventuellement. Il y a un nouvel album qui s'en vient en juin. Là, c'était Papa Emeritus 0. Ouais, mais là, le prochain, c'est quoi, -1? Non, mais là, c'est pas... Lui, le 0, il est là pour faire... pour propager la mauvaise nouvelle. Ah, OK, OK. C'est un émissaire. C'est un émissaire, il en amène... Tu sais, c'est lui qui était là au début. Là, OK, t'sais. OK. Ouais. Fait qu'il y a un nouvel album qui sort en juin. Premier single, Rats, va sortir fin avril. Mais en attendant, on va y aller avec une pièce du premier album. Ah, ben, de loin est, le meilleur. Qui est de loin le meilleur, effectivement. La pièce Death Knell, qui est apparue sur Opus Eponymus en 2010. Ça sera suivi de Repugnant, avec la pièce Premature Burial. Et on va terminer ça avec Tribulation, avec la pièce Lacrimosa. Alors allons-y sur Réanimation Ghost. Eh oui, c'est parti. See the- C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Né en 2002 à Montréal, Slamdisk, c'est le label de la découverte francophone. C'est près de 40 000 albums, plus de 100 vidéoclips et la gestion de plus de 800 spectacles. Pour tout découvrir et vous tenir au courant, abonnez-vous à la page Facebook Slamdisk et à la chaîne YouTube. Bonne écoute! Le prétexte, c'est simplement une raison pour parler de musique. Tous les dimanches soirs, 19h, c'est fou, 89.1 FM. Salut, Trifluvien et Trifluvienne, c'est Marc Gagné de l'émission C'est dans ta face. Là où je te fais passer du solide dans musique rock francophone. Fait qu'attache ta tuque, c'est dans ta face de 15h à 16h à la Radio Campus, c'est fou, 89.1. h 43, vous êtes à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show en compagnie de Sinistro, c'est de moi-même, Dr. Pain Pendragon. C'était la première présentation de Sinistro, son premier bloc qui était un bloc avec, comment tu dis déjà? Des... Un travail à la chaîne. Ouais, c'est ça, un travail à la chaîne. Ça prend un ding-ding-ding-ding-ding. Oh, c'est pareil. C'est pareil. Ici, là, on a des accessoires, on a pu finir. On aurait demandé ça à Horace pour ce qu'il en passe. Horace? Il a l'air d'être d'accord. Ah, OK. Avec quoi, je ne sais pas, par contre. Avec la petite cloche. We don't care. On a entendu, oui, c'est ça. On a entendu Tribulation avec la pièce Lacrimosa, qui est parue en 2018, le 28 janvier. Plus ah, il n'est pas content? Il n'est pas content. Hein? Horace était sur l'album Down Below. Désolé pour Horace, il était un peu indiscipliné. Tout juste avant, on a eu Repugnant, autre groupe suédois. Ça fait concept, mon affaire. Oui, tout à fait. avec la pièce Premature Burial, qui est parue sur le seul et unique album du groupe Epitome of Darkness, qui est paru en 2006. Et on a eu Ghost avec l'excellente Death Knell, qui est paru sur le premier album Opus Eponymous, qui est paru le 18 octobre 2010 sur Rise Above. Eh bien, qu'est-ce qui réunissait ces trois groupes autre que ces trois groupes suédois? Tu me poses la question à moi, là? Non, je ne la posais pas du tout à personne. Ah, OK. Eh bien, dans Ghost, on a Papa Emeritus, qui est, comme on le sait tous, je ne dévoilerai pas un très grand secret, c'est non. Tobias Forge. Mm-hmm. Tobias Forge, il avait le surnom de Mary Gore. Mary Gore, c'était le chanteur de Repugnant. Guitariste aussi, oui. Oui, c'est ça, effectivement. Et on a Adam Zars, qui a joué dans Repugnant et qui est le principal leader de Tribulation. Ah! Trois morceaux de robot. Ah! Voilà. Fallait connaître son histoire. Hein? Et bien évidemment. Ben, oui. Et c'est là pour ça, pour vous faire culturer métalliquement. Oui, tout à fait. Ça vaut la peine de vous arroser maintenant. Pour laissez faire le gym maintenant. Écoutez Réanimation. Vous allez culturer. Je vous parle de la chronique cinéma et chronique série télévision qui sera relativement courte cette semaine, mais quand même assez encensante, pour ainsi dire. Même Sinistros va s'en mêler un petit peu. Oui, Sinistros va redater ce que j'ai parlé il y a environ 6 mois, mais bon. Oui. La moins bonne chose que j'ai vue le week-end dernier, c'est un film de Lynn Alding qui s'appelle Braven, film d'action qu'on connotation trailer qui met en vedette Jason Momoa. Tu sais qui est Jason Momoa? Je pense que c'est la coqueluche de l'heure présentement. Ben, la coqueluche de l'heure, je me demanderais pourquoi, honnêtement, là, mais c'est en parce fait... parce qu'il a pogné la coqueluche pour ça. D'accord. Mais on s'en rappellera pour Khal Drogo. Oui, c'est ça. Khal Drogo, par contre, dans Game of Thrones, ainsi que Conan the Barbarian, bien sûr. Il a fait d'autres... Ben, il fait Aquaman dans Aquaman Justice aussi, League. Dans Justice League. Ici, dans Braven, il joue le rôle de Joe Braven, qui est un... C'est un personnage qui travaille en Alaska. C'est un bûcheron. Et tombe accidentellement sur des trafiquants, des narcotrafiquants qui cachent, après un accident de convoi, qui cachent leur butin qui est sous forme de poudre blanche, et ça ne sait pas, ça n'est pas du soda à pâtre. Dans son chalet. Non plus, hein? C'était pas dans les non plus. qui cache ça dans son chalet. Et ben c'est prévisible, hein, évidemment. J'imagine ça va être très prévisible. C'est très prévisible. Il y a quelques bonnes scènes d'action, mais somme toute, c'est un film de série B qui ne passera définitivement pas à l'histoire. J'ai été ça m'a distrait un peu, mais disons que quand tu prévois toutes les scènes à l'avance, ça vient un peu lancer. Un peu comme John Wick, là. Mais moi, j'ai beaucoup aimé John Wick. Le 2, j'ai trouvé un peu moins bon. Un peu moins bon, t'as raison. Le premier, j'avais bien aimé. Par contre, mon coup de cœur de la semaine va définitivement à la première partie de la saison 5 de Vikings de Michael Hurst, qui met en vedette Alex Hogg Anderson, ce désossé de hiver. Je suis rendu au cinquième épisode, puis je vais vous avouer qu'il est plutôt crinqué. Ah ben, c'est épouvantable. Mais selon l'histoire, la vraie histoire, il était comme ça. Oui. C'est peut-être même pire que ça. Oui, tout à fait. Et tu sais qu'il n'est pas mort violemment, hein? Il est mort d'une maladie. Ah, ça se peut. Oui, il est mort d'une maladie. Personne n'est capable d'y faire la peau, finalement. Et cette première... En fait, il faut savoir, il y a deux... Les grandes séries télévisées, ceux qui ont beaucoup de popularité, divisent leur présentation en deux sections. Généralement, la première partie va être diffusée avant la période des fêtes, et après ça, on va prendre une certaine pause avant de recommencer au printemps. Ça devrait recommencer bientôt. Il n'y a pas de date annoncée pour la deuxième partie. On parle seulement de 2018. Il n'y a même pas de date pour l'épisode 11 encore. Oui. Là, c'est vraiment, là, bon, c'est un peu déplorable, mais... Donc, j'ai la première partie des 10 premiers épisodes, vraiment, là... extraordinaire, très très bon. Pour moi, je considère que c'est probablement la meilleure saison de Vikings. Oui, je pense que oui. C'est vraiment excellent. Oui. Oh, définitivement. À moins que les 10 derniers épisodes... Soit pou. Comment, grand-mère? Oui, c'est ça, grand-mère. Ben, ça suit. Donc, c'était tout. Ben, moi, j'ai un petit truc à rajouter. Ben oui, vas-y. Sur un petit coup de masse sur History Channel, qui ont fait une série... pseudo-historique qui s'appelle Nightfall. Ouais, dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Oui, un peu. Je n'avais pas écouté encore, je l'ai écouté, puis je vais vous avouer bien franchement, c'est un énorme coup de masse pour ma part. Ah oui? Premièrement, le jeu des acteurs est vraiment, comme grand-mère dirait si bien, assez pourri, merci. Et comment, grand-mère? Pourri, tabarnouche! Mange tes paparmanes, grand-mère. jeu des acteurs, possiblement dû à un mauvais scénario et probablement... Mauvais réalisateur. Ben, très mauvais réalisateur. T'sais, c'est pas mal décousu. T'sais, c'est comme si on prenait un livre d'histoire puis on commence à la page 45, on va reculer à la page 28, hop, on va sonner à la page 72. Ouais. Si on se promène n'importe où, n'importe comment... Il y a juste comment. Tarantino qui peut le faire convenablement. Oui, ça. C'est en plein ça. Mais ouais. ça fonctionne pas du tout. Historiquement parlant... C'est plein d'anachronismes. Il n'y a rien qui fit là-dedans. C'est comme épouvantable. Moi, je suis un féru d'histoire, puis je connais beaucoup l'histoire des Templiers. Moi, je sais que tu t'es intéressé beaucoup à ça. Oui, ben c'est ça. T'sais, j'ai lu beaucoup sur Philippe le Bel, sur Jeanne de Navarre, les enfants. Pis, c'est juste... Nightfall, si t'as oublié, j'espère même qu'il n'y aura pas une deuxième saison. Je crois pas qu'il y en ait une. C'est clair que je l'écouterai pas. C'est vraiment... C'est ridicule. Moi, je l'ai écouté parce que moi aussi, ça m'intéressait beaucoup, l'aspect des Templiers, ainsi de suite. Je suis moins féru que toi dans ce type d'histoire. Moi, je préfère les histoires de Claude Blanchard, évidemment. Ben, c'est sûr que c'est même bien. Oui. Ça m'a distrait, oui. J'ai pas trouvé ça mauvais, honnêtement. Ben, moi, j'ai pas trouvé que c'était une grande série, par contre. Là. J'ai chialé tout le long. Oui. Tout le long. Mais t'aimes ça, chialer, toi. C'est sûr. Mais ce coup-là, c'est un petit peu plus... élevé, mon affaire. Ouais, ben écoute, pour quelqu'un qui s'intéresse à cet aspect-là puis qui a lu moindrement, peut-être qu'effectivement, c'est plus facile de faire des comparatifs qui deviennent négatifs que pour quelqu'un qui est plus néophyte comme moi qui a vu ça comme étant simplement une série de divertissements, là. Tu sais, quand tu regardes des séries comme les Borgia ou des... Ouais. On est à 100 000 de là. C'est comme... Si tu fais, là... Même... Le côté caméra, tu sais, ils sont allés tourner en Serbie puis des places comme ça, ils ont même pas été capables de rendre une image qui avait quand même un peu d'allure. Ouais, tu sais, ouais. Ben écoute, c'est vrai qu'il y a plusieurs lacunes puis c'est un peu maladroit, j'en conviens, mais je lui ai pas donné de coup de masse par contre, mais je réécouterai pas jamais ça. Bon, puis s'il y a une deuxième saison, ce sera peut-être pas mon premier choix. Ah non, c'est ça. Ben voilà. Chiolage est fait. Ben, ça fait-tu du bien, ça? Oui. Ben, merveilleux. Tu pourras recommencer la semaine prochaine. C'est clair. Je vous parle de ma première présentation de la semaine qui s'adresse à une formation de la Floride qui porte le nom de Nightmarer. Et un nom qui fit très bien avec Réanimation. Ah ben, ouais, absolument. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Je parle de leur premier album, album complet, Studio Cacophony of Terror, qui est paru le 23 mars, donc c'est encore une vieillerie finalement, hein? On s'entend que le 23 mars, c'est il y a longtemps. À l'époque, là. Ou jadis, naguère, ouais, j'ai des problèmes avec mes écouteurs, mon ami. Bon, OK, ça va un peu mieux. Une formation qui se veut un trio de musiciens que je ne connaissais pas du tout. Il n'y a pas d'association avec d'autres groupes en tant que tel. Formation qui existe quand même depuis relativement peu de temps, c'est-à-dire 2013, avec un le seul album. Le 22 mars. Non, il existe depuis le 22 mars. Et l'album est sorti le 23. Ils sont très, très, très efficaces, par contre. Moi, j'ai beaucoup aimé. On les qualifie de technical death metal, alors que moi, je les considère comme étant d'un autre type. Un amalgame qu'on peut avoir, qu'on peut trouver, je dirais, entre le djent, ce que t'aimes un peu moins, je sais, Gorguts, par moment, le métal plus expérimental, progressif. Donc, du technical soft rock. Voilà. Okay. Je dirais même de la musique d'ascenseur. Donc, je vous propose d'aller en écouter deux pièces qui sont respectivement la pièce Starwald et Cave Digger. J'aime beaucoup le titre, d'ailleurs. Cave Digger, ça va bien. Nightmarer, let's go. We'll be right back. êtes à Cifou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Beaudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis, aujourd'hui. Le 7 avril prochain au cabaret de l'amphithéâtre Cogeco, Trois-Rivières Metal en collaboration avec Long & McQuaid, Lapis Rock et Sifu 89.1 présente le Trois-Rivières Metal Fest 15e édition. 14 groupes sont deux joueurs mettant en vedette Despised Icon, Jungle Rot, Beyond Creation, Anonymous, Open the Grave et Cattle Decapitation. Bien prévente à la Plus Rock, chez Béton Punk et en ligne, amphithéâtre.cogeco.com pour plus de $46 pour un soir, $74 pour les deux soirs, quantité limitée. Et si c'est 7 avril, c'est un rendez-vous à l'amphithéâtre Cogeco pour l'événement métal de l'année. Pour tous les détails, visitez le 3RNF.com. Vous souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes? L'émission L'Octrotteur est pour vous. Afrofunk, Fado, Bluegrass, Zouk, Ethio Jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de CFU 89.1. Vous êtes à Cifou 89.1. Juste avant la pause publicitaire, la présentation, la première présentation de la soirée qui était la formation de Floride Night Mirror et deux pièces tirées de leur premier album Cacophony of Terror qui est paru sur Season of Mist, soit les pièces Cave Digger ainsi que Start Wild. Et je vous ai contré une petite menterie, c'était jamais, non. En disant que les membres du groupe étaient pas issus vraiment d'autres groupes, c'est faux parce qu'il y en a qui viennent de Dehumanized, Burning Skies ainsi que Heart of Mouth. Donc, c'est des formations, je dirais, plus ou moins importantes, si on veut, mais sont tous des membres qui sont issus de d'autres formations. On va procéder à la dernière présentation de la nouveauté de la semaine avec notre ami Sinistros, parce que notre ami Jeff Hall est arrivé, il commence déjà à faire des niaiseries, là. Fait que si on veut laisser le temps de pouvoir nous compter encore plus de niaiseries, it's up to you. Formation belge Toxic Shock qui m'ont envoyé leur deuxième album 20 Last Century qui est paru à la fin 2017. Très chic type, ben ouvert musicalement. Ils t'ont envoyé avec une petite boîte de chocolat aussi. Oui, il est super gentil, des chocolats belges. D'accord. Avec une montre suisse aussi. Puis des frites. Des frites, bien sûr. Déjà dans la mayonnaise. Avec des moules. Alors, on va entendre deux pièces tirées de ce premier album, les pièces Iceberg et 1986. C'est paru sur This Charming Man Records à décembre 2017, pardon. Mm-hmm. Alors, allons-y, Toxic Shock, avec un bon trash crossover, comme d'habitude. Let's go. Yes. Bon, Master, on les fait pas en papier, mais c'est pas mal.

Sinistro, c'était pas vilain, ça. Non, c'est très bon, très bon. Ben là, je dirais pas jusqu'à très bon. On ne vire pas fou, là. OK. Toi, tu passes bien des affaires épouvantables. Ouais, mais moi, j'ai le droit. Ah, c'est vrai. Tu es juste l'invité, toi. D'accord. Formation belge, Toxic Shock, mais c'est drôle, je regarde la playlist que tu m'as renvoyée, puis... Je te l'ai renvoyé d'aplomb. Ouais, ben je sais, il y a un petit bout d'album qui est paru le 10 novembre, puis un petit bout d'album qui est paru le 10 mai, tu sais. Oui, effectivement, ils l'ont fait en plusieurs shots. C'est ça. Dès le 10 novembre. Fait que, on a entendu des pièces 1986, c'est tout juste avant Iceberg, c'est paru sur l'album 20 Last Century, qui est paru en novembre 2017 sur This Charming Man Records. Ouais, leur deuxième album, et je suis allé voir les photos un peu de ce qu'avaient l'air les membres du groupe. Ils font très, très old school. Ouais, ça fait très crossover des années 80, là. Ça semble être le but, finalement. Ouais, tout à fait. Moi, je pense qu'ils font bien, là. Oh. Bon, eh bien, 20h13, avec un petit peu de retard, on s'en excuse, mais on a une de ces sommités en matière de métal et de booking, cette grossièreté qui se nomme le nom de Jeff Poole. Houle, je voulais dire. Bonjour, monsieur Houle. Bonsoir. Attends, t'as-tu pris le bon micro, toi? Là, tu vas y aller avec le bon. Vas-y. Lequel? Ah, c'est ça. Le 3, voilà. Bon, enfin, j'ai le droit de parole ici. Dans pas trop longtemps. De cette enceinte magnifique. Oui. Bonsoir, messieurs, dames. Comment ça va? Ben, ça va assez bien, Jeff, oui. Et toi? Ça fait longtemps que je n'étais pas venu faire un petit tour à réanimation. Oui, la dernière fois, c'était avec Exotoxic, je pense. Ah, je pense, oui, OK. Oui. OK, pour l'année passée. Oui, avec Dominique et Stéphane. Dans le cadre du spectacle avec Gorgot, ça chauffe. Exactement! Quelle mémoire! Ben, on y va au tonton. Bon, ben, je pense qu'on va aller dans le vif du sujet, parce que ta présence ce soir et ton temps, il est très précieux de par les moments qui courent. C'est pas si pire, mais on est occupé. Ben, j'en doute pas du tout. Ben, t'es ici, évidemment, pour nous parler de la 15e édition du Trois-Rivières Metal Fest, qui se déroulera le week-end prochain, c'est-à-dire vendredi et samedi prochain, 6 et 7 avril, au cabaret de l'Amphithéâtre, bien sûr. Une nouvelle salle pour le Metal Fest. Oui, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle étape. Une nouvelle étape. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais que, comme il y a eu un... une absence, on pourrait dire, de 3 années de l'événement. J'aimerais ça que tu reviennes un peu en arrière sur l'historique un peu du festival pour remettre en contexte nos auditeurs, mais c'est peut-être plus notre auditeur, là, mais bon. Ben, on a trouvé que t'avais bien qu'un auditeur, finalement. C'est un nom en plus. Oui! Non, tu sauras que en Malaisie, ils nous écoutent. En Malaisie, oui. Dans toutes les... Tous les continents, il y a quelqu'un qui nous écoute. Oui, à raison de un par continent, ce qui veut dire... C'est déjà pas pire. C'est cinq, je me suis trompé. Habituellement, quand vous faites votre émission, c'est pas autant que ça. Non, c'est OK, c'est parce que t'es là, oui, je comprends. Ah oui, il m'écoute. Ça nous a fait plaisir, Jeff, à la prochaine. Bon, quel calembour, quelle direction... Farfelu. Voilà. Mais Jeff, blague à part, oui. Le Metal Fest, ça a débuté en quelle année, ça? On a commencé ça en 2001. Ça fait 18 ans. Mm-hmm. Donc, on a commencé ça toujours avec les mêmes partenaires, moi puis Samuel Landry. Dans ce temps-là, c'était pas mal moi puis Samuel. Annie et Charles s'est greffé à vous autres? Un peu plus tard. Là. OK. Je veux dire, au début, je pense que ça venait voir plus les spectacles qui était active avec nous. Mais c'est le même triumvirat depuis ce temps-là. Oui, on a toujours gardé le même cellule, puis c'est toujours ça, puis ça le sera toujours, j'espère. Mm-hmm, d'accord. Puis c'est une bonne équipe. On a chacun nos tempéraments, puis c'est ça qui fait que ça fait une belle soupe. Vous complétez bien. Oui, moi je pense que oui, c'est ça. Puis je pourrais pas faire le Metal Fest sans autres, puis je pense vice-versa, je sais pas. Là. Mais pour ma part, pas les avoir, ben ce serait plus compliqué. D'accord. C'est une question de team. C'est bien de le reconnaître d'ailleurs. Hein? Ben, je l'ai toujours reconnu à partir du jour 1. Bon, félicitations pour votre idée. C'est mon statement. D'accord. Je peux mourir. Oui, en paix maintenant. Avec cet acte d'humilité. Non, mais. 2001. Ben, 2001, l'idée de base. À cette époque-là, il y avait des shows Maquisard. Mm-hmm. Le regretté Maquisard. Oui, le regretté, puis c'est très regrettable. Oui, tout à fait. Ça va rouvrir, mais c'est une autre forme. Mm-hmm. Pis, les spectacles cabaret. Ouais, peu de chances que la formule convienne à tes événements. Non, je pense pas, là, de la manière que j'ai vu. Faire un Trois-Rivières Metal Fest acoustique. Oui, non, avec super spectacle. Oui, faudrait qu'il y ait des bottes d'Elvis dans la patente. Fait que c'est pas ça, nous, on a un créneau et on la lâche pas depuis 18 ans. Mm-hmm. Mais c'est pas facile toujours. Fait que si on commence l'histoire du Metal Fest, c'est mon bon ami Samuel qui décide de me dire, il avait fait un festival à Montréal, puis là, il avait dit, hey, on devrait faire la même chose. Il dit, pour sauver le métal en Mauricie, à Trois-Rivières. Okay. Ah, OK. Avec une mission de sauvetage. Ouais, mais c'était comme, on va sauver le métal. Mais dans l'histoire, il a jamais dit qui c'est qui nous sauverait, nous autres. Mais ça, ouais, ça, c'est un détail. Mais non, c'est pas grave. L'idée de base, on a commencé avec ça, puis on a développé avec ça. Puis on a commencé. Ben, la première année, on était trois. C'était comme Our Friction, Decay Remains, puis Martyr, qu'on était les trois bandes, les trois organisations là-dedans. Fait qu'on a monté le premier 3V Metal Fest avec, je pense, 9 ou 10 bands. Oui, c'était un seul soir. Hein? C'était un seul soir. Puis nous, on y était là comme... C'était à la bonne franquette. Bon, c'était mémorable ce soir-là. Moi, je me rappelle de ça. C'était vraiment cool. Là. Toi, t'avais joué. Hein? Non, j'ai joué l'année après. Ouais, 2002, avec Lapse of Memory. Ouais. Hein. Fait que nous, on part ça tout bonnement. C'était comme un show Maquisard, mais avec 8-9 bands. Il y avait Neuraxis de Montréal, puis Duke de Montréal. Puis il y avait Blind by Fate. Fait que c'est comme un rassemblement de bandes de Trump, puis beaucoup de bandes locales. Dans le temps, il y en avait plus qu'aujourd'hui. Là. Mm-hmm. On avait peut-être ramassé tout ce qu'il y avait de local dans le temps. Là, Ancestral Frighters, puis il y avait qui donc? Morbid Pain, puis des trucs de même. Puis Martyr jouait avant-dernier, puis Decay lui jouait enfin. Fait à noter... Decayed Remains avait décidé pour l'événement d'emmener des deux têtes de cochon, mais tu sais, de l'abattoir qui était déjà frais coupé, là. Puis frais, tu sais, on dirait que c'était pas rien que le crâne, c'était avec la petite peau blanche, là, écœurante. On appelle ça la chair. Ouais, mais c'était écœurant, là. Puis les soundmen qui changeaient les changeovers, là, ils étaient au bout, là. Je veux dire, ils l'ont trouvé raide. Ça puait en bas, là. Ouais. Ça coulait le sang d'animal dans le sac. C'était T'sais, ça faisait un peu Mayhem là, dans les bonnes années, là, ou bien Watting. Fait que c'est ça, c'était drôle. Là. Fait que ça a été un succès. On a eu au-dessus de 400 personnes. C'était comme, on était tombés sur le cul. On a dit, ben voyons donc. Là, c'est parce que là, il y avait toutes les bandes locales, il y avait plein de chums. Mais ça, Jeff, là, pour le faire en 2001, ça avait-tu pris un gros train de préparation avant ça? Si quelque chose avait commencé à résonner en 2000? Je vais te dire, c'est l'été. À l'été 2001. Donc, c'était l'automne suivant. Ça faisait pas beaucoup c'est de temps ça. Avant, c'était l'été, puis je me rappelle que j'avais booké Exotoxic, justement, c'était show-là, puis Zang. C'était le retour d'Exotoxic après, il avait fini en 94. Puis il y avait une guitare, une bass, puis c'était Benoît Nadeau qui jouait dans Zone, qui jouait dans qui était avec nous dans au Trou du Diable. Ouais, là il est plus dans Exotique en passant, mais en tout cas c'est un autre. L'ancien baseman est revenu. Ouais. Fait que nous, c'est comme une espèce de déjà vu de ben des bands. J'ai des gars qui repartent, des vieux qui reviennent, puis en tout cas. Là, finalement, tout ça pour dire que c'est ça, il y avait beaucoup de bandes locales. On a fait le CD compilation à partir de la première année. Fait que on est parti avec le gilet puis toute la. Fait qu'on est parti avec qu'est-ce qu'on a fait longtemps. À partir de la première édition. Donc là, quand on a apparu ça, on a dit, on va en faire un deuxième. Là, pour le deuxième, Decayed Remains, ils ont comme débarqué parce que c'était pour rien qu'un show. Les autres, ils ne voulaient pas... Pas s'investir dans ça. Ouais, là, on parlait de mettre un petit peu plus d'argent puis de dire, on va faire ça plus... on va inviter des plus gros bands. On a invité Cryptopsy en 2002. Mm-hmm. Puis Cryptopsy, dans ce temps-là, il faisait 6 mois qu'il n'avait pas joué. Il était dans le prime time, 2002. Tu sais, il était hot encore. Là, ils sont hot encore, mais tu comprends, il y avait... Le mood était là. Le mood était là. On book ça. Puis, le premier Metal Fest, ça coûtait 6$ venir au Metal Fest. T'es-tu sérieux? Oui. Je me rappelais pas. Puis le deuxième, ça coûtait 12$. Ah, puis, ouais. Puis j'étais tellement pas sûr de fouler que je voulais mettre d'autres bands. À un moment donné, Stéphane Boileau de Maxeur dit là, Jeff, tu devrais peut-être. T'es correct avec tes bands. Là. Je dis là, tu mets comme un band de toujours de même. Moi, je veux toujours mettre plus. J'ai toujours peur que ça soit pas assez. Que le gâteau soit pas assez épais. Là, tu sais. Puis, encore aujourd'hui, il y a des fois, je me dis là, c'est parce que t'es en train de monter 3 shows en un. Là, puis, souvent, c'était ça. Fait que là, en 2002, on fait sold out, mais solide. Maquisard est plein. Il y a 200 personnes qui bûchent l'importe pour l'entrée. Oui, je me rappelle la sécurité call la police. Oui. Ils se font traiter de pas bon de bas dormant. Fait la police pour essayer de dégager du monde qui veut rentrer dans le club. Tu sais. Fait qu'on a fait rentrer sur le fly après. En tout cas, là, tu sais, c'était. On a rentré ça au piton, là. Les a foulés avec le moche patate. Puis, tu sais, tu veux rentrer, mais. tu vas voir que ça va être quoi. Mais ça a bien été. Il n'y a pas eu rien de. Mais il faisait chaud dans la place. Tout à fait. Tu dois t'en rappeler. J'étais sur le stage, moi, quand ça bloquait à l'entrée. Puis le kit, là, c'était fourrette. Puis là, tu sais, avec l'entrée, qui est tout à petit au maquisard. Tu sais, pour un festival de même, tout à petit, il fallait monter. Une procédure pour l'entrée, une procédure pour le backstage, une procédure pour la vente de gilets. Il fallait vendre les gilets des bandes. On ne pouvait pas dire. Backstage, j'étais en dessous, le kit. Ouais. On montait comme sur le côté du stage pour aller faire le show. C'était comme tout serré. Ouais, mais il y avait un cachet spécial. Ça sonnait pas si mal que ça. Non, c'était bien comme ça, je veux dire. Mais c'était. Maquisard, quand il y avait 3 bandes, c'était vivable. Mais quand il y en avait 9-10, faisait chaud. Écoute, là, il y a plein de monde en bas, plein de monde partout, au deuxième. Oui, sur le balcon, effectivement. Moi, j'avais la place de rêve, par contre. Toi, t'étais tu faisais notre DJ. J'avais la place, moi, personne ne m'achalait. Là, après 2002, on se pose encore des questions. On dit, là, faudrait changer de salle. Je dis ça aux gens du maquiseur. Là, eux autres, ils ne veulent pas qu'on parte. Non, puis là, ils... Il a de l'air à me dire qu'il va arranger ça mieux que ça. En tout cas, ça n'a peut-être pas arrivé comme on avait prévu, mais on arrive en 2003, on décide de faire ça sur 2 soirs, comme un vrai festival. Là. C'est 2 soirs, mais on fait 2 line-up. Autrement dit, on monte 2 shows en 1 soir, en 2 soirs. Mm-hmm. Fait que là, ça a bien été. On était les salles étaient pleines à trois fois. Tu sais, on était quasiment sur le bord tout le temps sold out. 2003, 2004. En 2005, on a eu Behemoth. Oui, je dirais que c'est un highlight. Dans l'époque du maquiseur, c'était notre plus gros band parce qu'il était en tournée. Puis c'est le début dans le temps de Demigod, là. Parce que là, il y avait un gros hype. Oui, tout à fait. Puis c'était quelque chose, là, pour ceux qui s'en rappellent. Puis on a fait venir des bands d'Ontario. Tu sais, là, on était là, Misery Index en 2004. Je pense que c'est notre premier band US qu'on a fait venir. Mais Misery Index. C'était comme des bands québécois, mais de Maryland. C'était comme des chummies, là, quasiment. Mais on a eu beaucoup de bands. Puis en 2006, on a eu Crisian. C'était en 2006, non. En 2006, on a eu... Mais en 2007... Crisian s'était rendu à la boîte Saint-Dutrieux. Ouais, c'est ça, mais c'est parce qu'on les avait faites en 2006 avec Goldfinger, mais pas dans le cadre de Metal. On faisait d'autres productions aussi. Ouais. Mais, tu sais, le maquisard, c'était à notre place. Ben oui. T'sais. Mais là, en même temps, bon, 2003, 2004, 2005, 2006, 4 ans, à faire toujours la même poutine. C'était pas financièrement, c'était très facile à gérer. On avait, tu sais, il n'y avait pas de risque. T'sais, on savait qu'on. Les risques à bien calculer. Très bien calculé. Fait que là, on marchait sur le pilote automatique. On pouvait pas se faire dire on va finir un Cannibal Corpse. Là, la salle n'était pas assez grosse. Ou, il y avait certaines limites que. Parce que là, on pouvait pas. C'était dans le temps, c'était 25$ pour venir voir un soir ou. C'était 25-40, quelque chose dans pour les deux soirs. Approximativement, oui. Mais écoute, dans le temps, c'est ça. Là. On est en 2005, ça fait quasiment 15 ans. Là, fait que après ça, ben là, 2006, ça roule. Notre affaire est connue, mais c'est toujours le même genre de package. Là, mm-hmm. Martyr a joué souvent dans ces époques-là. Mm-hmm. Mais on avait toutes les bons bands du Neuraxis. Les bons bands du terroir. On avait aussi des affaires étrangères ou des affaires de black comme étranges. Aversifira de Texas, là, ça pouvait faire peur aux enfants. Tout à fait. Hey Jeff, garde ton idée, on va en pause publicitaire puis on revient dans C'est parfait. On est rendu. La première partie est faite là. Fait parfait. Je concept en tabarouette. Tout à fait, on revient. C'est fou! Vous êtes assez fou! Pour plus d'informations, visitez cifou.ca 89.1. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Beaudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis. La sortie de secours est une émission de cuisine où chaque semaine, nous vous convions à apprendre des recettes comme le bourgeois rôti, le politicien dans sa sauce d'enveloppe brune ou encore le président aux Cheetos. La sortie de secours est à votre gauche. L'émission coquine d'affaires publiques, le jeudi 18h, en rediffusion samedi 11h, sur les ondes de CIFU 89.1. Vous souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes? L'émission Le Trotteur est pour vous. Afrofunk, fado, bluegrass, zouk, ethio-jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de CIFU 89.1. CIFU 89.1 FM. FM. Nous sommes de retour avec ce fascinant et tellement divertissant Jeff Hull. Ouais, ben là, c'est une espèce d'histoire que certains gens peuvent écouter qu'ils étaient même pas au monde. Tu fais un vrai frais de pèlerin toi-même. Peut-être métal. Il faudrait trouver des tournures de phrases. T'es rendu en 2007. Ben oui, 2007. On s'enligne pour faire le maquisard encore. Et, tout va bien, Madame la Marquise. Là, soudainement, on a vaincu que le maquisard veut faire des rénovations. Il attend des subventions. C'est pas clair de le bord. Là, de c'est même... des rénovations majeures en plus. Là. Il fallait qu'il ferme la salle une couple de mois pour faire ça, que ça s'est jamais fait. Oui, effectivement. Bon, mais ça c'est une autre histoire, ça. On mettra ça dans le procès verbal. Tout à fait. Non, mais là, moi, je dis, voyons, on a Metal Fest, tout est monté, notre line-up est monté, tout est monté, A à Z, là, on est à 2 mois de l'événement. On était à 2 mois de l'événement, puis là... Là, vous apprenez que... Ils sont en train de nous dire que là, c'est pas de toi, gna gna gna. Là, je dis, garde, on s'est tout de suite mis... au travail puis trouver une autre salle. Je sais, là, c'est un moment donné, t'as le pif pour dire que t'attends pas pour faire dire que ça marche pas. Non, non, non. À trois semaines d'événement. C'est trop risqué, là. Ben là, c'était pas clair, là. Fait que. Tu sais, moi, j'étais habitué à travailler avec eux autres, je le savais, tu sais, mais je sentais là, qu'il y avait quelque chose. Puis, comme de fait, quelques semaines après. On annonçait qu'il y avait. Même pas quelques semaines, mais peut-être une semaine ou deux après. Il cessait ses activités. C'était drôle parce que j'ai reçu l'appel du maquiseur le soir, le mort du soir, puis on était justement chez Samuel en train de faire des meetings. On switchait, là. Je veux dire, c'était quasiment. On s'en allait là. La salle était louée, puis on. Fait que là, j'ai reçu un appel. Demain, on annonce. On annonce que. Tu sais, ils nous l'avaient pas dit d'avance, parce qu'ils voulaient pas le coulage sur bain. Ouais. Puis le lendemain matin, ils annonçaient que le maquiseur fermait. OK, ouais. Ben, j'ai dit, on le savait un peu. Ouais. On servirait de bord. On a pris nos dispositions, nous autres. On a loué la salle. On n'avait pas grand choix évidemment pas. Non, pas du tout. À Trois-Rivières, il y avait. Puis c'est encore aussi pire qu'avant, je veux dire, si on veut côté salle, depuis 15 ans, il n'y a rien qui. Non, ça n'a pas bougé. Ben là, OK, on a l'amphithéâtre. Ouais, mais ça, c'est une autre histoire, là. Non, l'amphithéâtre vient d'arriver. Avant ça, là, il n'y a rien, là. C'est ça. Fait que là, on finit par trouver la bâtisse industrielle. Là, on change de size, on change de modèle d'affaires, d'opération. Là, il faut emmener kit de son, faut monter. On prend un gymnase, puis il faut remonter. Bon. Fait que on a monté le Metal Fest avec le line-up qu'on avait. Fait que là, on se disait, ouais, là, on a plus de monde à remplir, là. Mais on avait Covadis. Dans le temps, Covadis, c'était encore très prime, tu sais. C'était dans les années 2007, les années d'entre 2000 puis 2010. Toutes les bands comme Martyr, Covadis, On Expect, tu sais, le noyau de bands québécois était très fort. Comparativement aujourd'hui, je te dis pas qu'il n'y a pas de bons bands, mais c'était une autre époque. Oui, c'est une autre époque. Puis tu l'as vécu, puis je pense que tu comprends ce que je dis. Là, absolument. Et c'était des bands qui étaient capables de faire des salles, des grosses salles, headliner à Montréal. Mm-hmm. Comme des Covadis, des Martyrs, des Anonymous, même des Unexpect, des Critapsy, des Cataclysm, des groupes de même. Fait que là, on s'enligne. On avait Misery Index le vendredi. On a fait un score très décent pour le vendredi, qui aurait été sold out au Maquisard. Oui. Puis le samedi, on a fait au-dessus de 700 personnes. Qui était très bon. On était contents parce qu'on n'aurait pas pu rentrer tout ce monde-là au maquisard. Non, définitivement pas. Fait que c'était encourageant. On a dit bon. Puis la place, il y a plus de place. Là, on vendait de la bière. Oui, le bar était maison. Oui, fait que là, c'est des rentrées d'argent de plus. Ça fait que ça couvre les dépenses. Mais les dépenses sont différentes. Là, on a fait plusieurs sauts de travers à chaque fois qu'on avait un coût d'assurance, un coût de salle. Oui, des obligations auxquelles vous ne pouvez pas vous soustraire. Combien de temps s'est passé l'événement à la bâtisse industrielle? 2007 à 2015. 2015, c'est la dernière année que, si on fait abstraction de ce qui va se commettre en fin de semaine, c'était la dernière année d'activité du Trois-Rivières Metal Fest. C'est ça. À la bâtisse industrielle, mais tout court. Qu'est-ce qui se passe après ça? OK, ben là, il faut continuer dans le temps comment qu'on a géré notre... on a fait le Metal Fest, là, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2015. On a sauté 2014. Vrai, on a fait comme un an et demi. Oui, ben c'est ça. Il y a un petit gap entre les deux. Ouais. Mais on a eu des très bonnes années. Cannibal Corpse en très 2010, Hatebreed en 2013. Septic Flesh, Melekesh et compagnie. Ouais, en 2012, c'était bon. Suffocation. On a eu Cavalera Conspiracy. Il y a des années que ça a été super bon côté monétaire. D'autres années que ça a été plus difficile. Fait que c'est difficile de t'es tout le temps comme all-in quand tu joues dans une salle de même. C'est comme c'est beaucoup de dépenses, puis il faut que ça marche, tu sais. Puis une année que ça marche moins, ben ça va vite quand ça descend vers l'envers. Ben, mais inquiétez-vous pas, là, pas vendu ma maison là, encore. Fait que là, mais rendu en 2015, je pense qu'on a fait le tour de la, là, on avait changé la date pour le mois de mars. Oui. Pour on voulait comme être, on voulait, il y avait vous beaucoup dissocier des spectacles qu'il y avait plus au niveau du de l'automne. Ouais, mais l'automne il y avait beaucoup de spectacles. On s'est dit on va changer la dynamique. On voulait changer pour nous autres aussi là, personnellement, que plus facile de travailler l'hiver sur un festival que quand il est au mois d'octobre, tu travailles l'été, puis l'été, ouais, ben c'est la saison la plus forte pour moi. Pour, ouais. Puis tu sais, l'été, c'est pas pareil. Fait que on a essayé ça de même, mais on est arrivé avec une mauvaise date côté température. Ouais. On a eu le samedi une tempête de neige, la tempête du mois de mars, là, qu'on a toujours une tempête du mois de mars. Ouais. Qu'on avait comme pas trop. Ben, c'est pas prévisible, de toute manière. Ben, s'il y a des fois, j'avais regardé la météo les deux années antérieures, puis c'était très beau. Fait que là. Ouais, mais tu sais que la météo, ça change d'heure en heure. Là, on s'est. Puis là, en plus, cette année-là, Fletch God Apocalypse ont eu un problème avec. On les faisait venir par avion de Rome. Ouais, grève de transport aérien. C'est ça. Les contrôleurs aériens ont sont mis en grève cette journée-là. Fait que rien à faire, ils ont pas pu venir. Là, on avait emmené God Dethroned de Hollande la veille, puis ils étaient sur place, puis ils nous ont dit on pourrait jouer. On va backer pour le lendemain. Puis là, on a monté le line-up. Eux autres, ils n'ont pas joué Headliner cette fois-là, mais on a monté Gorgots. Mais tu sais, ça fait rien, le mal est fait. Ouais. Ton Headliner n'est pas là. Ça l'aide pas à la atteindre. Il y a aussi que, quand je disais on a fait le tour du jardin, le son à bâtisse industrielle, c'était comme un aréna. Fait qu'il y avait. Il y avait un problème d'acoustique. On mettait de l'argent pour mettre des toiles acoustiques, mais écoute, il aurait fallu en mettre. Il y a 50 pieds de plafond, là. Ouais, mais c'est comme une cathédrale. Fait que ça dépendait des bands, tu sais, des 8-Braid puis des choses de même. Ça pouvait quand même sonner passablement correct, mais il y avait toujours un. Avec les rideaux, on avait une meilleure définition pour le vocal et le bass drum, mais ça reste qu'il y avait comme un nuage de room qui virait. T'avais un holo constant. Ouais. Ouais, c'est comme aller voir un show Colisée de Québec à l'époque. Là, ouais, c'est sûr. Mais ça a fait un bout, mais à un moment donné, je pense que ça, fallait. Puis là, avec la dernière année qui avait mal été côté, il y avait eu moins de monde, puis quand il y a moins de monde, ben, c'est des pertes. Puis c'est pour ça qu'on a arrêté comme un deux. Ben, le temps de. On ne savait pas si on recommençait. Okay. Moi, je voulais recommencer. Là, il y a eu l'amphithéâtre Cogeco qui commençait à faire des choses. On avait visité, après le Metal Fest, on avait été visité, mais eux étaient au début de le processus. Mm-hmm. Fait que moi, je trouvais que c'était peut-être prévu. Le timing n'était peut-être pas bon. Non, puis nous, on avait besoin de. Tu sais, sauter un an ou deux. Ouais. Là, ça fait 15 ans que tu fais ça. À un moment donné, ta vie. Personne qui va te battre à coup de bâton parce que là, il y a beaucoup de monde qui m'en demandait, le Metal Fest, ça revient dessus. Ben, je ne sais pas, on check ça. On a eu beaucoup de questionnements. Mm-hmm. Puis finalement, j'avais encore la fibre. On s'est recrinqué toute la gang pour le faire, surtout à cause de la nouvelle salle. Si ça arrêtait à Baptiste, on n'aurait pas retourné. Je veux dire, on savait que là, on partait avec un strike. Là, puis ça coûtait cher, là, la bâtisse. À la fin, là, ça coûtait cher monter. Disons, il n'y avait pas un ben de payer, là, puis... Déjà, il y avait une grosse partie du budget qui était parti. Ben, là. C'est ça. Tu dis, ouais, là... Puis là, la game a changé aussi de 2010 à aujourd'hui. Les Rockfests sont plus forts, les Heavy Montreal. La compétition est plus forte pour des festivals de même. Le monde... Ils cannent le cash pour des gros, tu sais. Des gros événements. Fait qu'il faut que tu arrives avec du crémant à Hergo. Ouais, t'as un peu de gravy à offrir. Faut que t'en mettes, ouais, là, ouais, du gravy. Ouais, tu sais, ouais, quand on disait, ben. Puis où faut que t'ailles ta ligne directrice. Fait que nous, avec notre ligne directrice, qui est plus dans le métal extrême, mm-hmm. faire des grosses salles à Trois-Rivières, c'est comme compliqué parce que les autres festivals, eux autres, c'est comme un Walmart de musique, là, tu sais. Mm-hmm. C'est pas ça pour c'est pas préjoratif, là, non. Mais c'est vrai qu'ils font pas rien du death metal, ils font. Oui, mais Montréal, tu vas avoir Warren, puis tu vas avoir. C'est très large. Tu vas avoir Alice Cooper, puis tu vas avoir Megadeth, puis tu vas avoir toutes sortes d'affaires. Puis même là, ils ont de la misère. Ils se sont rapetissés, tu sais. Fait que la game est dure, là, tu sais. Sûrement pas très simple, non. C'est pas simple aujourd'hui. Puis même Rockfest, tu sais, ben beau Rammstein, mais il a mis la main dans sa poche, puis ça paraît cette année. Ouais. Fait que, mais ça, tout le monde a ses. c'est plus, c'est moins. Mm-hmm. Nous autres aussi, c'est pareil pour tous les festivals. Mais je dis pas ça parce que... C'est très bon qu'est-ce qu'ils font, mais c'est compliqué pour tout le monde. Oh. T'as-tu noté, toi, que l'amateur de musique en tant que tel, il va moins d'un show, il paye moins pour aller d'un show? Ben, il choisit. Mais il y a autant d'offres, puis la demande n'est pas plus haute, là, c'est le même consommateur, mais il est sollicité, regarde, il y a beaucoup de spectacles en même temps. Nous autres, on a souvent eu beaucoup de spectacles autour, puis on a toujours eu à se battre avec ça. Mais là, en plus, t'as des gros festivals comme Rockfest et Heavy Montreal que le monde ramasse les argent d'avance. Ouais. Une des raisons pourquoi au mois de mars, on avait mis ça au mois de mars, on voulait comme... être avant tout le monde, dans le fond. Ouais, c'est ça. Mais on s'est rendu compte, soit avant ou après... No timing is good. Sinon, parce que là, ils vendent les billets d'avance. Fait que là, faut que tu fasses ton affaire. Faut que tu aies un créneau. Pour ça que l'amphithéâtre, c'est parfait. C'est un petit peu plus petit comme capacité. Ça me fait penser à un maquisard 2.0. C'est maquisard, mais en super clean. C'est un bel endroit. Toi, tu l'as vu, mais avec il y a un super écran géant en arrière du stage. Fait qu'on n'a même pas besoin de mettre des banners. On fait jouer des vidéos, mettre les logos, des images qui peuvent virer. Tout est propre. Là, c'est comme neuf. Là, c'est très neuf. Les commodités sont là aussi. Fait que c'est ça. Quand on a commencé à approcher l'amphithéâtre, ça fait 3 ans. Là. Tout de suite après le Metal Fest, moi, je voulais... Je voulais comme en faire un autre 6 mois plus tard pour dire, regarde, faut pas perdre le beat. Mais après ça, on se calme, puis après ça, on a dit, bon, regarde, on va attendre que l'amphithéâtre parte sur des bandes, puis qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Ça roule dans l'huile. Parce que je voulais pas être le premier patente qui se passe là. Ouais. Les autres avec, t'as pas prêt, là. Je te dirais, ils commençaient, puis aujourd'hui, c'est bien plus... structurer leur chose que v'là 3 ans. Ce que tu nous dis là, c'est que c'est quand même un processus qui a été de longue haleine avant d'arriver à un résultat à cet endroit-là. Donc, les deux parties ont réfléchi de leur côté, vous avez maturé. Ben, plus nous, parce que, il y a eu un moment, on n'a pas travaillé sur le Metal Fest pendant 3 ans. Là. Ouais. On a dit, on met ça en sourdine, puis on va y penser, puis on va se reposer, puis on va penser. Mais là, quand l'amphithéâtre, on est retourné voir ça, j'ai été voir un Steve Hill, j'ai été voir un peu le setup. Mm-hmm. Là, je trouvais que la formule, tu sais, là, ils faisaient des spectacles, les affaires sont plus montées, tu sais, c'est ça, là, tu sais, c'est une question de timing. Puis eux autres, ben, quand ils m'ont appelé à un moment donné, ils ont dit, ça tente-tu de faire le Metal Fest? Nous autres, on aimerait ça le faire. Puis, tu sais, c'est arrivé au bon timing, le call. OK. Parce que je pensais, ouais, puis c'était, tu sais, je veux dire, on s'est parlé, puis eux autres sont très positifs à le faire, puis ils veulent que ça revienne, puis ils nous aident, tu sais, puis... Donc, l'entente est là. Ouais, c'est ça. Okay. Fait que là, on s'est assis, on a fait des choses, puis là, on a reparti la machine Metal Fest, puis là, elle marche à plein de vapeur. Mais là, on est dans une nouvelle place, une nouvelle ambiance, meilleur son... La place est extraordinaire, côté loge, côté backstage, même côté l'entrée, c'est comme un... Oui, c'est une vraie salle de spectacle. Oui, absolument, tout à fait. Et, bon, tu sais, industriel, on avait réussi à faire de quoi de bien côté pour y aller, tu sais, la manière qu'on avait arrangé ça, mais ça restait une salle vide qu'il faut t'aménager, à tous les ans. Oui, tout à fait. Ça faisait plus grosse arénos, il y avait beaucoup de place, il y a des choses à la bâtisse industrielle qui était mieux parce qu'on avait plus de place. Mais en même temps, l'amphithéâtre, on n'a pas besoin de monter le stock le jeudi, puis de faire le dimanche comme on faisait. Ça enlève tout ce travail-là. On couchait là pour se réveiller à la salle. Ben oui, là, il y a des gardiens. Tout à fait. C'est plus structuré. Si on aurait recommencé à bâtir, ça aurait été comme, ouais, t'as-tu le goût de taper tout ça, puis sans être trop sûr. Puis là, il y a... C'est sûr qu'en une salle de 600 personnes, les budgets sont en conséquence. C'est sûr qu'il y a des affaires qu'on peut moins faire, là, mais en tout cas. Mais même si ça fait longtemps qu'on fait des Metal Fest, ça reste un challenge à tous les fois. avec les problèmes qu'on peut avoir en cours de route. Là, ben ça, personne s'en sort. On est rendu 17 ans plus tard, Jeff, après le premier de 2001. On t'a expliqué la pause, 18, ainsi de suite. 2001, on est en 2018, ça fait 17 ans, là, si on calcule bien. Ouais, mais faut dire qu'on avait commencé un petit peu avant. Ouais, mais ça compte pas, ça. Qu'est-ce qui se passe? On est à quelques jours de l'événement. Qu'est-ce qui va se passer vendredi? Les bands? Oui, parce okay. qu'on va falloir faire une petite incursion musicale là-dedans. Ben, écoute, on a quand même des bands internationales. Puis je suis content de ça, tu sais. On a des bons bands québécois. Puis le vendredi, on a trois bands internationales, entre autres. On a Cattle Decapitation en headliner. Là, l'idée, c'est que Cattle Decapitation remplace D-Side. Au début, on avait booké D-Side. Ils ont cancellé le tournée. On a fait tout. Une histoire plate. On a tout essayé. On voulait les flyer pour rien qu'un show, mais ça ne marchait pas. Les horaires ne marchaient pas avec le studio. En tout cas, vous avez eu à ramer un peu avec ça. On a ramé fort. Puis on a pris Cattle Decapitation, qui est un band de San Diego. Mm-hmm. Puis c'est un band qui vient pas souvent au Québec. Ils ont fait la live à Montréal. C'est un death metal très new school, je pourrais dire. Oui. Qui est comparativement à Daddy Hussard, qui est plus old school. C'est sûr que c'est peut-être pas le même genre de personne qui écoute ça, mais je pense que le switch est très bon. Puis c'est bien. T'sais. On va avoir l'occasion de voir ça vendredi. On a Jungle Rot. Oui. Qui est venu. Ils sont déjà venus au Metal Fest. En 2013. Oui. Puis ça, c'est très. C'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre, c'est ça. C'est du gros death metal, groovy. Je sais pas si Sinistro serait d'accord avec nous. Je suis toujours d'accord avec vous. Ah, OK. Je pense que c'est la dernière fois que je viens d'y parler. Une autre valeur sûre québécoise, puis on est content de les avoir. Ça faisait depuis 2012, la dernière fois qu'ils avaient joué au Metal Fest, c'est Anonymous. Fait qu'Anonymous, c'est une valeur sûre dans le trash. C'est un groupe au Québec qui est absolument connu. Puis ça, là, tu vas voir un show d'Anonymous, tu peux pas dire qu'ils sont pas bons. Ils sont pros. Ils sont très pros, puis. Avant ça, on a Aeternam de Québec. Oui. Aeternam, c'est... Bonne formule de groupe, ça. Ouais. Ouais. Ça, c'est un genre de death, mais avec des sonorités... C'est symphonique. C'est un band de calibre international. Égyptienne comment on pourrait dire oriental, ça? Oriental. Ouais. Mais dans le métal, là, on s'entend bien. Là. Ouais. C'est, tu verras pas des danseuses du ventre. Là. Non, on n'entend pas de coteau non plus. Bon. Il y a un club en ville, là. Il y en a qui essayent de faire ça. Là. Ils font ça pour les études, en plus. Oui. Tu pourrais les encourager, tu sais. Puis, avant ça, on a un groupe death metal. C'est spécial un peu. Ça vient du Mexique. Oui. C'est Introtil. Ils font un style genre Cannibal Corpse. Ouais. Puis, l'affaire, c'est que c'est quatre filles qui jouent dans le band. C'est quatre Mexicaines. Puis, il était venu au stage cet été. Puis, ça va être à découvrir. Puis, en ouverture, on a Outre-Tombe de Montréal et de Québec et Necrosphere de Montréal. C'est pas mal death metal old school. Outre-Tombe, là, c'est quelque chose. C'est un bon petit band. Quand même. Ouais, mais. Fait que c'est ça pour le vendredi. Je sais pas si tu veux aller en musique et après on parlera du samedi qui est aussi intéressant, mais dans un autre créneau. Dans un autre créneau, effectivement. On va aller écouter tout de suite les deux co-headliners du vendredi, c'est-à-dire Jungle Rot et Cattle Decapitation. On va entendre respectivement Trench Tactic et Plague Bone. Vous êtes dans l'animation. Let's go. Hey, this is Jeff Buff for Jungle Rot, and you're listening to CFOU 89.1 FM. Awaits all the finest soldiers, the bayonets outraged. Falling through the bloodstained heroes, inhuman dead maze. Into a maelstrom of fire, leading to your certain death. Into promote the barman, the casualties admit. Glory, drink and painless. Over the top, trench tactic. nation, the finest control of the numb. Dispatched to no man's land, straight into enemy fire. Bullets of bodies of comrades, entangled in barbed wire. Glory, we can paint this. Over the top, trench tactics. Realized that I never had a chance. I opened prayer. Le temps nous presse, malheureusement. On vient d'entendre la formation Catholic Decapitation de Californie, la pièce Plague Born, s'est tirée de leur dernier album, paru en 2015, et le septième, The Anthropocene Extinction sur Metal Blade. Juste avant, nous avions du Wisconsin Jungle Rot et Trench Tactics, qui est tiré également de leur dernier album, Order Shall Prevail, le huitième, paru le 30 juin 2015 sur Victory Records. Avec les derniers mots de la fin avec notre ami Jeff, je suis désolé Jeff, mais le temps nous presse tellement, puis tellement une belle histoire à nous raconter. Ouais, ben on va vous dire que le samedi c'est The Spice Icon qui est de retour après 2010. Beyond Creation, Obey the Brave, Get the Shot, Divinity, Insurrection, Artwork pour le samedi. Il reste encore des billets. Les billets simples sont à 46$, puis les passes doubles, il en reste très peu. OK. Ils sont à 74$. C'est vraiment un bon deal. Ça, c'est tout inclus, là, les prix, je vous dis. Les points de vente. Puis les points de vente, ben, c'est le réseau de l'amphithéâtre. Metal Punk, il y en a encore. Mm-hmm. Les puces rock. Oui, d'accord. Pis, c'est plus le réseau. Puis même, vous pouvez aller à salle Giantonio Thompson. Ils vendent pour l'amphithéâtre. Ah, parfait. Okay? Excellent. Puis il y a l'after party. Allez voir sur 3VMetalTRMF.com. Mm-hmm. Fait que allez sur 3VMetalFest. Puis vous allez tout avoir les infos. Ça va être un gros party. Puis il faut appuyer la scène locale. Ouais, c'est ça. Fait que ceci étant dit. Alors nous, on va se revoir vendredi. Certainement. Ben oui. Au spectacle là-bas. Absolument. Jeff, merci beaucoup de t'être déplacé pour nous entretenir. Pas de problème. Cette historique-là, c'était très désolé, agréable. J'ai pris beaucoup de temps. On a... Non, c'était là pour temps. Ça. C'était là pour ça. Temps. On te l'avait consacré. C'était ouais. Parfait comme ça. On va se quitter avec presque deux pièces. Je vais l'essayer, qui sont les deux co-headliners du samedi soir en Beyond Creation de Montréal. La pièce The Axiom, tirée du dernier album Heartborn Evolution. Très bon album. Oui, très bon album. Ainsi que The Spice Icon et Grind Forever, tiré de Beast, qui est paru le 22 juillet 2016 sur Nuclear Blast. Du Sinistros et moi, on sera là la semaine prochaine pour des présentations qui la deuxième partie d'Évolution métallique selon Sinistros, oui. Entre autres. Et d'ici là, ne manquez pas Rock Classic ce vendredi à 11h pour les vrais amateurs de vrai rock. J'y serai avec le Rockmaster pour un spécial métal, justement, pour le 3e métal. Pur la mort, subversion, et sur ce, allez tous vous faire foutre. Ciao. C'est pas fin, ça. C'est vrai, t'as raison, c'est pas gentil. Mais c'est pas grave, elle est toujours faire foutre quand même.